Chapitre 15, où l'on verra combien le facétieux juif et Miss Nancy étaient attachés à Olivier. Dans la salle obscure d'une misérable taverne, située dans la partie la plus sale de Little Saffron Hill, repère ténébreux où pendant l'hiver un bec de gaz brûlait tout le jour et où jamais pendant l'été ne brilla un rayon de soleil, un homme était assis devant un pot d'étain et un petit verre, absorbé dans ses pensées et imprégné d'une forte odeur de liqueur. À son vêtement de velours commun, à sa calotte de velours, à ses brodequins, un agent exercé lui reconnut sur le champ, malgré le demi-jour, pour M. Guillaume Sykes. À ses pieds était étendu un chien aux poils blancs et aux yeux rouges, occupé tour à tour à cligner de l'œil en regardant son maître et à se lécher le museau où une plaie large et saignante attestait un combat récent. « Vas-tu te tenir tranquille, gredin ?» dit M. Sykes en rompant brusquement le silence. Il était peut-être tellement plongé dans ses réflexions que le seul mouvement des yeux du chien suffisait pour les troubler. Ou bien l'irritation produite en lui par ses réflexions mêmes avait besoin de se traduire en mauvais traitement à l'égard d'une bête inoffensive. Quoi qu'il en soit, Sykes se mit à jurer contre son chien et en même temps lui allongea un bon coup de pied. En général, le chien ne cherche pas à se venger des coups qu'il reçoit de son maître, mais celui de M. Sykes avait, comme son propriétaire, un assez méchant caractère et, poussé à bout probablement en ce moment par la conviction de son innocence, il se jeta sans cérémonie sur le pied qu'il avait frappé, enfonça ses dents dans le brodequin, le secoua vivement, puis se sauva en grondant sous un banc, juste à temps pour éviter le pot d'étain que M. Sykes lui lança à la tête. « Tu voudrais mordre, hein ?» dit Sykes, en saisissant d'une main les pincettes et en ouvrant de l'autre d'un air résolu un long couteau qu'il tira de sa poche. « Ici, gredin, ici, entends-tu ?» Le chien entendait fort bien, car M. Sykes criait comme un sourd, mais il ne semblait pas du tout résigné à se laisser couper le cou. Il resta où il était, grondant plus fort qu'auparavant, et saisissant dans ses dents l'extrémité des pincettes qu'il mordit avec rage. Cette résistance ne fit qu'accroître la colère de M. Sykes. Il se mit à genoux et commença à attaquer le chien avec fureur. L'animal sautait de côté, d'autre, jappant, grimpant, aboyant. L'homme jurait, frappait, blasphémait. La lutte allait devenir critique pour l'un ou l'autre des combattants, quand la porte s'ouvrit tout à coup, et le chien ne fit qu'un bond dehors, laissant Guillaume Sykes avec son couteau et ses pincettes à la main. « Pour se quereller, il faut être deux », dit un vieux proverbe. M. Sykes, désappointé de la fuite du chien, fit tomber sa colère sur le nouveau venu. « Pourquoi, diable, venez-vous vous mettre entre mon chien et moi ?» demanda-t-il avec un geste menaçant. « Je ne savais pas, mon ami, » répondit Fagin d'une voix humble. C'était en effet le juif qui venait d'entrer. « Vous ne saviez pas, vieux brigand ?» s'écria Sykes. « Vous n'entendiez donc pas le vacarme ?»« Pas le moins du monde, aussi vrai que je suis en vie, » répondit le juif. « C'est vrai, vous n'entendez rien, » répliqua Sykes avec un rire menaçant. « Vous faufilez partout, sans qu'on vous entende entrer ni sortir. J'aurais voulu, Fagin, que vous fussiez à la place de mon chien, il y a une minute. « Pourquoi donc ?» demanda le juif avec un sourire forcé. « Parce que le gouvernement, qui protège la vie d'êtres tels que vous, qui ont moins de cœur qu'un roquet, laisse un homme tuer son chien à sa fantaisie, » répondit Sykes, en fermant son couteau d'une manière très expressive. « Voilà pourquoi !» Le juif se frotta les mains et, s'asseyant devant la table, affecta de rire de la plaisanterie de son ami. Néanmoins, il était visiblement mal son aise. « Allez rire ailleurs !» dit Sykes, en remettant les pincettes en place et en toisant le juif avec dédain. « Allez rire ailleurs ! Mais vous ne vous aviez pas de me rire au nez ? Voyez-vous, fût-ce dernière votre bordée de coton ! C'est moi qui vous tiens, Fagin, et du diable si je vous lâche ! Tenez, si j'y passe, vous y passerez aussi. Aussi ménagez-moi » Bien, mon cher, » dit le juif, « Je sais tout cela. Nous avons un intérêt réciproque. Guillaume, un intérêt réciproque. Fit Sykes, comme s'il trouvait que le juif était bien plus intéressé que lui dans la question. Eh bien, qu'avez-vous à me dire? Tout s'est passé le mieux du monde, répondit Fagin, et voici votre part. Elle est plus forte qu'elle ne devrait être, mon ami, mais comme je sais que vous me revaudrez cela une autre fois, et... Ah, c'est le verbiage, interrompit le voleur avec impatience. Eh, oui, on donnait vite. Oui, dit Guillaume, laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps, répondit le juif d'un ton caressant. Tenez, voici le magot sain et sauf. En disant ces mots, il tira de sa poche un vieux mouchoir, défit un gros nœud à l'un des coins et laissa voir un petit paquet enveloppé de papier gris que Sykes lui arracha des mains, puis il l'ouvrit et se mit à compter les souverains qu'il renfermait. « Est-ce tout ?» demanda Sykes. « Tout ?» répondit le juif. « Vous n'avez pas ouvert le paquet en route et escamoté une ou deux pièces ?» ajouta Sykes d'un air défiant. « Ne prenez pas votre mine indignée, cela vous est arrivé plus d'une fois. Remuez le gros lot. » Cela voulait dire, en bon français, tirer la sonnette. Un autre juif parut, plus jeune que Fagin, mais d'un extérieur presque aussi ignoble et repoussant. Sykes ne fit que montrer du doigt le pot vide, et le juif, comprenant parfaitement le geste, sortit pour aller le remplir après avoir échangé un singulier regard avec Fagin, qui leva les yeux un instant, comme s'il s'y attendait, et répondit par un signe de tête presque imperceptible. Sykes ne s'en aperçut pas, occupé qu'il était en ce moment à nouer le cordon de sa chaussure que le chien avait arraché. Il est probable que, s'il eût observé ce court échange de signes d'intelligence, il n'en eût occuré rien de bon. « Y a-t-il quelqu'un ici, Barney ?» demanda Fagin sans lever les yeux, maintenant que Sykes le regardait. « Pas une âme, » répondit Barney, dont les paroles, qu'elles vinssent du cœur ou non, sortaient invariablement par le nez. « Personne ?» demanda Fagin d'un ton de surprise, qui signifiait peut-être que Barney pouvait dire la vérité sans crainte. « Personne que Mademoiselle Danet, » répondit-il. « Nancy !» s'écria Sykes. « Ah, où est-elle ? Ah, que la peste m'étouffe, si je n'honore cette fille pour ses dispositions naturelles !» Elle s'est fait servir une ancienne meuf bouillie sur le comptoir, ajouta Barney. Faites-la venir, dit Sykes, en versant un verre de liqueur. Faites-la venir. Barney regarda timidement Fagin, comme pour lui demander son autorisation. Voyant que le juif ne disait mot et ne cessait pas d'avoir les yeux fixés à terre, il sortit et rentra presque aussitôt en introduisant Nancy. Vêtue en cuisinière, avec un bonnet, un tablier, un panier et une grosse clé à la main. « Tu es sur la trace, n'est-ce pas, Nancy ?» demanda Sykes en lui offrant un verre. « Oui, Guillaume, » répondit la jeune femme en vidant le contenu. « J'y suis et assez fatigué comme ça. Le petit drôle a été malade et a gardé le lit. » Et « Ah, Nancy, ma chère !» dit Fagin en levant les yeux. Peut-être le juif, en contractant ses sourcils roux et en fermant à demi ses yeux profondément encaissés dans leur orbite, donna-t-il à entendre à Miss Nancy qu'elle était trop en veine de confidence. Ce détail importe peu. Le fait est qu'elle s'arrêta court dans ses explications et qu'après avoir adressé à M. Sykes plusieurs gracieux sourires, elle changea de conversation. Après 10 minutes environ, M. Fagin fut pris d'une canne de toux, sur quoi Nancy mit son châle et déclara qu'il était temps de s'en aller. M. Sykes observa qu'il avait à faire un bout de chemin dans la même direction qu'elle et manifesta l'intention de l'accompagner. Ils s'en allèrent ensemble, suivis à peu de distance par le chien qui sortit d'une cour voisine sitôt que son maître fut hors de vue. Le juif passa la tête hors de la porte au moment où Sykes venait de quitter la salle. Il le suivit des yeux, tandis qu'il franchissait l'obscur passage, le menaçant du poing et murmurant d'horribles imprécations. Puis, avec un affreux rire, il revint prendre place devant la table où il se plongea dans l'intéressante lecture du journal des tribunaux. Pendant ce temps, Olivier Twist, qui ne se doutait pas qu'il fût si près du facétieux vieillard, se dirigeait vers l'étalage du libraire. Arrivé à Clerkenwell, il prit, sans y faire attention, une rue qui n'était pas comprise dans son itinéraire. Il l'avait à moitié franchie quand il s'aperçut de sa méprise, mais sachant que cette rue devait aussi aboutir au point vers lequel il se dirigeait, il jugea inutile de revenir sur ses pas et continua à marcher, les livres sous le bras, de toute la vitesse de ses jambes. Il songeait, tout en marchant, au bonheur de sa nouvelle situation, au plaisir qu'il aurait à voir, ne fût-ce qu'un instant, le pauvre petit Richard, qui peut-être en ce moment battu et affamé pleurait amèrement, quand il fut tiré de sa rêverie par une jeune femme qui s'écria très haut « Oh, mon cher frère !» Et à peine avait-il levé les yeux pour voir ce que cela signifiait, qu'il sentit l'étreinte de deux bras étroitement serrés autour de son cou. « Laissez-moi !» s'écria Olivier en se débattant. « Laissez-moi tranquille Pourquoi m'arrêtez-vous » Pour toute réponse, la jeune femme qui le tenait embrassé et qui avait à la main un petit panier et une grosse clé se mit à pousser des cris et des gémissements. « Oh, mon Dieu !» disait-elle. « Je t'ai donc retrouvé, Olivier, Olivier, oh vilain enfant, de m'avoir jeté dans de pareilles inquiétudes à ton sujet. Viens chez nous, mon ami, viens, Dieu soit loué, je t'ai enfin retrouvé. » Après ces exclamations incohérentes, la jeune fille recommença ses gémissements de plus belle avec un accès nerveux si violent que plusieurs femmes qui étaient là demandèrent à un garçon boucher la chevelure grasse et luisante, et qui regardait aussi la scène, s'il ne croyait pas urgent de courir chercher un médecin. À quoi le garçon boucher, qui semblait d'une nature assez lente, pour ne pas dire indolente, répondit qu'il n'y avait pas d'urgence. « Oh non, ce n'est pas la peine, » dit la jeune femme en serrant la main d'Olivier. « Je vais déjà mieux. Allons, tout droit à la maison, cruel enfant, allons !» « Qu'est-ce qu'il y a donc, madame ?» demanda une des femmes. « Oh, madame !» répondit la jeune fille. « Il s'est sauvé, il y a près d'un mois, de chez ses parents, qui sont de bons ouvriers, pour aller courir avec une bande de filous et de mauvais garnements, et sa mère en est presque morte de chagrin. »« Petit misérable !» dit la femme. « Rentrez chez vous bien vite, petite brute !» dit une autre. « C'est pas moi, » répondit Olivier Trésor, « mais je la connais pas. Je n'ai pas de sœur, ni père, ni mère. Je suis orphelin. Je demeure à Pentonville. »« Oh, voyez donc, est-il effronté ?» dit la jeune femme. « Comment, c'est vous, Nancy ?» s'écria Olivier, en voyant la figure de la jeune femme qui s'était jusqu'alors tenue derrière lui. Il recula d'étonnement et d'effroi. « Voyez-vous qui me reconnaît ?» dit Nancy en s'adressant aux assistants. « Il peut pas faire autrement. Quelqu'un aurait-il la bonté de m'aider à l'emmener chez nous, sans quoi il fera mourir son père et sa pauvre mère et me mettra au désespoir. « Que diable est ceci ? » dit un homme en s'élançant hors d'une taverne, avec un chien blanc derrière les talons. « Comment ? Le petit Olivier ? « Veux-tu bien aller retrouver ta pauvre mère, bon rien que tu es ? Allons, vite à la maison !»« Je ne leur appartiens pas, je ne les connais pas. Au secours, au secours !» cria Olivier en se débattant contre la vigoureuse étreinte de l'homme. « Oh, au secours !» répéta celui-ci. « C'est moi qui viens au secours, petit scélérat. Qu'est-ce que c'est que ces livres-là ? Tu les as volés, n'est-ce pas ? Allez, donne-moi ça !» À ces mots, l'homme arracha les volumes que tenait l'enfant, et le frappa violemment à la tête. « C'est bien fait !» dit du haut d'un grenier un spectateur de cette scène. « Voilà la vraie manière de mettre ces gamins-là à la raison !»« C'est vrai, ça !» dit un gros lourd d'eau le charpentier, en regardant d'un air improbateur celui qui venait de parler. « Ça lui fera du bien !» dirent les deux femmes. Et c'est évident, reprit l'homme en frappant de nouveau Olivier en saisissant en colère. Allez en avant, petit vaurien, ici, Turc, attention au commandement. Affaibli par sa récente maladie, étourdi par les coups et par cette attaque à l'improviste, épouvanté des grondements menaçants du chien et de la brutalité de l'homme, accablé surtout par la conviction où étaient les spectateurs qu'il était réellement un vaurien, que pouvait le pauvre enfant? Il faisait nuit close, le quartier était désert, nuls secours à attendre. Toute résistance était inutile. En un instant, il fut entraîné dans un labyrinthe de rues sombres et étroites, et avec une rapidité qui rendait complètement inintelligibles les quelques cris qu'il osait pousser. Qu'importait d'ailleurs qu'ils fussent intelligibles, puisque personne n'était là pour s'en inquiéter. Les becs de gaz étaient partout allumés. Madame Badouine attendait avec anxiété la porte de la maison. 20 fois la servante avait couru au bout de la rue pour tâcher d'apercevoir Olivier, et les deux vieux messieurs restaient obstinément assis dans le cabinet, au milieu de l'obscurité, et les yeux fixés sur la montre.